Pour la suite, tout d'abord, Sépulcre, le bon groupe de putride death qui nous vient de Bretagne. Ils sortent là un premier EP suite à une démo courant 2020. 4 titres qui atteint les 25 minutes, du death dégoulinant baveux qui pue la crypte et la caverne, des morceaux qui déroulent assez longs et vraiment malaisant. On est sur un line-up d'expérience avec des ex ou actuels Necrowretch, Skeletal, Cadaveric Fumes et autres Venefiction. Et en doublette avec Sépulcre, on reste dans le crado avec Hordus, formation qui nous vient de Nouvelle-Aquitaine. On est sur un one-man band type Black, actif depuis 2015. Le projet a sorti un premier effort studio en 2015, puis plus rien jusqu'à maintenant. Il sort là du coup son premier album longue durée, BM d'inspiration atmosphérique, mélancolique, assez rao même dans l'approche, des textes chantés en français. 7 titres pour un tout petit peu moins de 40 minutes, donc on est sur des durées de titres assez classiques, typiquement français dans les intonations et dans les intentions. Ce premier effort studio longue durée de Hordus, Sépulcre, on s'écoutera le morceau Relics from Unearthly Cult, extrait de l'EP Cursed Ways of Cheol. Hordus, on s'écoutera le titre L'Éveil, extrait de l'album Mon Fantôme. C'est parti. Let's do it. prochaine doublette dans l'aspect française de l'émission Albanger de ce soir, Monolith tout d'abord, le groupe de Cosmic Doom francilien, qui sort là son 9e effort studio en désormais 20 ans d'existence. Un disque toujours très généreux, 5 titres seulement pour 70 minutes de musique, donc voilà. Bon, après avec un morceau de presque 30 minutes, forcément, ça se la pose là. Un album concept qui évoque l'histoire autour de l'exploration spatiale, vue du côté soviétique dès la fin des années 50 et sur les décennies qui ont suivi. Un véritable voyage auditif, copieux et aventureux. Voilà, du doom qui tend presque parfois même vers du funeral ou même avec des accents un peu plus mélancoliques. Toujours un edit, voilà, au niveau de la durée des morceaux, c'est pas possible de tout vous diffuser. Cependant, on vous invite à réécouter la version podcast qui sera mise en ligne dès demain soir, parce qu'on a le morceau dans son intégralité. Sachant que depuis cette semaine, nous sommes également disponibles en podcast sur un peu tous les sites de stream, type Deezer, Spotify, Apple Music, etc. Et puis surtout, bah, procurez-vous l'album auprès du groupe ou de son label pour vous écouter non pas le titre en entier, mais l'album dans son intégralité. Monolith, l'album s'intitule le Cosmodrome, une sortie Time Tomb Production. On s'écoutera le titre Krudeafka, et en doublette une autre nouveauté française, Lugosi. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette formation également francilienne? Et bien c'est actif depuis 2014. On est sur un mix punk hardcore au Roland Madcore, hein, coucou Iron Deficiency. Le groupe vient de sortir son premier album studio après deux EP parus au fil de ces dernières années. 10 titres, une quarantaine de minutes, on est sur quelque chose à la fois direct et chaotique, assez riche cependant, pas juste de la violence entre guillemets bête et furieuse, à recommander notamment aux fans de Converge, Jerez Kamplen et autres Refused. Voilà, les présentations sont faites également pour Lugosi. On s'écoutera le titre Pigs, extrait de l'album Inconsolable. C'est parti. Thank you. Thank you. Toujours à l'écoute d'Hellbanger sur les ondes de 93.6 saison 2 de Radio Béton, la doublette suivante va nous faire quitter l'aspect hexagonal et retourner à la diff internationale, puisque nous aurons tout d'abord Deuil Songe, récent One Man Band Tourangeau, actif depuis 2 ans maintenant et qui avait pas sorti grand chose jusque récemment, où là ils sortent un premier EP assez généreux. 7 titres, bon, 3 interludes, une vingtaine de minutes, ça colle plutôt bien avec Ordou, ce qu'on s'est écouté tout à l'heure, hein. Un black plutôt mélancolique et rao à la fois, puis voilà, encore une fois, c'est une sortie tourangelle. Et en doublette, retour aux US avec Ground, groupe qui nous vient du New Jersey, actif depuis une dizaine d'années. Là, on est sur un mix entre du grind, du power violence et du punk, et même des éléments slam. Les éléments slam sont notamment apportés par deux icos de Waking the Cadaver qui font la guitare et la basse dans Ground. Au niveau des styles de rapprochement, Coucou, Nails, autres Furious Hell et même Pig Destroyer pour les parties les plus grind. Voilà pour les présentations autour de Ground. Deuil Songe, on s'écoutera le titre Dernier Bataille, extrait de l'EP par un soleil noir. Ground, le titre Indurated Juvenescence, extrait de l'album Habitual Self Abuse, une sortie Relapse Record. Pardon, j'ai les yeux qui fourchent, c'est la fatigue. Hibernation Release et pas du tout Relapse Record pour Ground, c'est parti. Yeah! s'approche tout doucettement de la fin de l'émission de ce soir. Pour rappel, c'est une nouvelle émission différée, mais dimanche prochain, ce sera une émission en direct. Hein, dimanche prochain, puis ce sera l'occasion pour nous de vous parler du Winter Rip qui aura eu lieu la veille au soir. Hein, pour rappel, samedi 17 décembre, Winter Rip, 37e parallèle dans la zone de Tournor, une orga riposte assaut. On aura notamment les trash grecs de Suicidal Angels par chez nous. Renseignez-vous sur les réseaux pour avoir toutes les petites infos pour la sauterie en prévision. Pour la musique de ce soir, 16 maintenant, formation Sludge Riken. Et ouais, je l'ai annoncé au début de l'émission, beaucoup de groupes venus des US pour ce soir. 16, les vétérans du Sludge formés en 1991, hein, des contemporains de Hayed God, Crowbar et autres Weed Eater. Du sludge, presque sludgecore, hein, parce qu'on a de gros éléments punk hardcore sur l'ambiance, hein, au niveau du rythme, c'est baveux et en même temps assez soutenu. C'est une sortie Relapse Record, hein, 9e Effort Studio. Sridoji, ensuite avec 16, là on est sur une formation marocaine active depuis une dizaine d'années, qui, après un album et un EP, vont la sortir un nouvel EP, un nouvel album, oh là là, la fatigue est délicate. Musicalement, on est sur quelque chose d'assez vague, hein, en termes d'étiquette, groove metal, parce qu'en fait on est sur une grosse inspiration actuelle Gojira Decapitated, avec au milieu de tout ça un peu de trash et un peu de death, hein, donc ce qu'on peut appeler notamment le power américain. Voilà, et puis une production plutôt solide cependant, moderne dans les sonorités, avec des influences bien old school. Globalement ça tient la route aussi musicalement que vocalement, donc une chouette petite découverte Sridoji. Voilà, présentation faite pour la doublette à venir, 16 The Floor Wins, extrait de l'album Into Dust, Sridoji Haven of Agony, extrait de l'album Uncompromised, c'est parti. I sold my soul to conquer. pour l'avant-dernière doublette de ce soir, Woods of Desolation, One Man Band de Black Post-Black Atmosphérique qui sort sous 4ème Effort Studio, une sortie Season of Mist, active depuis une bonne quinzaine d'années. Le projet n'avait rien publié depuis 2014. Un petit 6 titres maintenant, avec cependant des durées assez courtes pour les morceaux, hein, 4 à 7 minutes. En session batterie, on retrouve le cogneur de Droutke, voilà, musicalement en plus ça reste hyper cohérent de faire appel à ce type de musicien. Voilà, pour Woods of Desolation, un groupe que je connais pas des masses, donc je peux pas vous en raconter plus que ça. Le nouvel Effort Studio s'intitule The Feeling Tide et on s'écoutera tout simplement le titre de l'album. Et l'avant-dernière doublette, l'avant-dernière nouveauté, pardon, dans l'avant-dernière doublette de ce soir, Hammer of Misfortune, c'est une formation ricaine, encore une fois, active depuis une bonne vingtaine d'années, qui nous propose un espèce de heavy thrash proguisant, avec des petits claviers rétro, et c'est un peu déconcertant dans le style. C'est mené par une femme qui a un timbre de voix assez énervé, sans que ça non plus tende trop à l'extrême. Recette éclectique, hein, parfois comme je disais, donc imprévisible et déconcertante, cependant ça reste assez direct pour le style. 7ème Effort Studio, des icônes d'expérience, hein, notamment le batteur Blake Anderson, qui a tapé chez Vector pendant une dizaine d'années. Donc voilà, techniquement, ça vous indique un petit peu où se situe Hammers of Misfortune. Voilà, l'album est déjà dispo, une sortie Cruz del Sur Music, et on s'écoutera le titre Overtaker, extrait de l'album du même nom. We're Et c'est donc l'heure de la dernière doublette pour ce soir, doublette de clôture dans l'émission d'aujourd'hui. Terror Hammer, le groupe de True Trash Black, Speed Trash, qu'on avait pu largement apprécier à Tours il y a une dizaine de jours. Il sort chez Osmose, ce second album studio. Voilà, une petite galette, 9 titres pour 35 minutes, c'est sauvage, c'est true as fuck, et c'est très bien fait pour le style. Terror Hammer, ce nouvel effort studio, d'ailleurs j'en ai mangé le nom, il s'intitule Gateways to Hades. On s'écoute le titre Blizzard of Blood, et ensuite, pour clôturer l'émission de ce soir, une toute dernière nouveauté, une des toutes meilleures découvertes en termes de brutale, slam death de ces dernières années. Ça nous vient du Texas. Voilà, on clôture sur une formation ricaine. Premier album longue durée, quasi pile poil un an après le premier album 4 titres qui avait fait très très forte impression. 12 titres pour une trentaine de musiques, de trentaine de minutes de musique, ouais, il est temps que l'émission se termine. Deux hommes, deux femmes, notamment une vocaliste, et putain, ça tabasse royal. Extirpating Mortal Process, une sortie Comatose Music, Stabbing, et on va se quitter avec le titre Razor Wire Strangulation, et juste avant ça, Terror Hammer. Sur ce, excellente fin de soirée à toutes et à tous. Rendez-vous dimanche prochain, cette fois pour une émission en direct, et surtout samedi prochain, au Winter Reap. Ciao, ciao.